Première citation d'Augustin. Un médecin nommé Génirade, fort connu à Carthage pour son habileté et son amour pour les pauvres, doutait qu'il y eût une autre vie après celle-ci, car pour lui, quand on est mort, tout est mort. Une nuit, il vit en songe un jeune homme qui lui dit de le suivre. Il conduit Génirade dans une ville où il entendit à sa droite des mélodies qui le frappèrent d'admiration. Mais il ne se rappela pas ce qu'il entendit à sa gauche. En se réveillant, il conclut qu'il y avait peut-être autre chose que ce monde. Une autre nuit, il vit dans son sommeil le même jeune homme qui dit « Me connais-tu ?»« Fort bien, » dit Génirade. « D'où me connais-tu ?» Il lui dit ce qu'il avait vu dans la ville où il avait conduit. « Est-ce en rêve, ou éveillé, que tu as vu tout cela ?»« En rêve, » dit-il. « Où est ton corps à présent ?»« Dans ma chambre. » « Sache qu'à cet instant, tu ne vois pas par les yeux du corps. Je le sais. Quels sont les yeux par lesquels tu me vois ?» Comme le médecin hésitait à répondre, le jeune homme dit « Tu me vois et m'entends alors que tes sens sont engourdis et que tes yeux sont fermés. Après ta mort, tu vivras, tu entendras, tu verras, par les yeux de l'âme. Ne doute plus de l'autre vie après celle-ci. » Génirade se dit que si son âme avait voyagé dans son sommeil, elle n'était donc pas liée à la matière.